cette conférence ayant pour titre « Pas de conférence, reprise le 2 août ». Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. Ah ben. Vers le savoir qui est en libre. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en vacances, vacances de la construction. Êtes-vous en vacances? C'est drôle que moi, j'ai rencontré souvent des gens qui étaient en vacances pendant les vacances de la construction, puis il n'y en a pas un là-dedans qui travaillait dans la construction. Ah, hein? Ben, c'est des choses comme ça. Hein? On profiter des vacances, savoir qu'est-ce qui va nous rendre. Si on est rendu libre, si on a savoir qui nous rend libre, on va être en vacances à l'année. En vacances, ça veut dire vide, hein? Ah oui? Chose qui est vacant, là. Fait que je sais pas si t'es en vacances. Mais si c'est l'ego, si c'est l'ego. Si t'es en vacances, vit. Quelqu'un veut son corps, il est vacant. Alloué pour 2 semaines. Doberman compris. Oui, donc, savoir qui rend libre. Est-ce qu'un savoir qui rend libre? Il rend pas vacant. Ça rend pas vacant, non? Non. Ça rend libre. On a parlé dans les semaines précédentes que la Terre était une prison. C'était surtout au niveau de... Non, je sais pas, moi, j'ai déjà tout oublié ça. T'as oublié ça? Je vais te la résumer en deux mots. Possession astrale intraterrestre. Est-ce qu'un savoir qui rend libre, ça nous dégage de ces informations? Oui, ça nous dégage de tout ce qui ne rend pas libre. C'est logique. Assez logique. Voilà. C'est le savoir qui rend libre, rend libre. Il rend libre, mais il ne libère pas. Quelle est la différence? La complication qui commence. Ça commence. Okay. C'est quoi la différence entre être libre et être libéré? Il n'y en a pas, puis il y en a beaucoup. Il rend libre, être libre, bon, premièrement, il faut évidemment toujours qu'on redonne aux mots la saveur populaire. Quelqu'un qui est libéré, c'est sûr que si c'est un prisonnier qui est libéré, on a une valeur au mot. Quand on prend en emploi le mot libéré, souvent, c'est autre chose. Bon, on a eu la libération de la femme, qui souvent va être reflétée, pas parce que c'est la femme. La libération de la femme a souvent donné lieu à une panoplie d'imbécilité, de débilité. La libération sexuelle va donner la même chose. La libération de l'homme, ça va donner la même chose. Libération de différents peuples, par exemple, bon, à un moment donné, l'humain se libère de la religion. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se passe un paquet de choses absolument affreuses. Alors, quand on parle de terme libéré, très souvent, libération veut simplement dire une débilitation, une animalisation. Une libération, dans ce sens-là, c'est de passer d'un extrême à l'autre? Non, c'est de passer d'une étape inhibée à une étape libérée. Alors, j'ai déjà expliqué dans une conférence réservée aux séminaristes tout le processus même des mécaniques d'inhibition. On peut faire un petit résumé rapide ici, mais on va juste prendre un exemple de libération sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est pogné avec son corps physique, que tout le monde a peur de se regarder le nombril, au cas qu'il y aurait mal visé. Et puis, quand les personnes faisaient l'amour, eh bien, c'était le noir. Quand il fallait qu'il fasse noir, on avait une petite place. Les boutons étaient plus gros, tu sais, pour qu'on sache où déboutonner, puis laisser passer des affaires. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, les enfants étaient tous extrêmement laids, parce que les parents faisaient ça dans le noir, ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Et puis, l'humain était pogné sexuellement, pogné avec son corps physique. Et subitement, libération sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on couche avec n'importe qui, qu'on se promène n'importe comment, qu'on fait du... comment ils appelaient ça, là? Des nus vite. Ils couraient vite dehors, tout nus, bon. Et ça, c'est une libération sexuelle. Libération de la femme, ben, je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont essayé à un moment donné de se faire des urinoirs pour aller debout, tu sais, on ne sait pas, il voulait être l'égal de l'homme. Il y a des femmes qui ont fait des excès. Il y en a qui ont commencé à fumer, hein, comme l'homme. Maintenant, ben, ils ont des cancers de poumons, comme l'homme. Bon. Et libération, dans le sens populaire, c'est toujours le fait d'arriver à ne plus être pogné. Sauf que l'humain, dans sa structure évolutionnelle, puis ce qui va l'amener vers la conscientisation, doit finir par être pogné. Et normalement, une personne qui évolue, une personne qui est très évoluée, est une personne très pognée. Et ça fait partie des structures qui amènent l'intelligence et qui dirigent vers le savoir qui rend libre. Mais libre ne veut pas dire libéré, libre veut dire désinhibé. Libre veut dire libre. Et non pas libéré. Pas pareil. Pourquoi? Parce que Si vous êtes libéré, ça veut dire qu'on vous a, ou que les structures d'involution, les structures qui vous mettent en prison, qui manipulent l'humain et qui le limitent, à un moment donné, ils vont vous donner une possibilité de faire des choses. On vous libère. Si vous êtes libre, totalement autre chose. L'esclave qui est libéré, là, il doit à ses maîtres. L'esclave qui est libre... Il doit être reconnaissant de cette libération-là. Être libre, c'est totalement différent. Il y a une saveur, une subtilité, c'est différent d'être libéré. Désinhiber, c'est autre chose. À un moment donné, ce qui est arrivé dans l'historique de l'humanité, c'est que l'humain vivait évidemment... bon, il y a beaucoup de relations sexuelles, parce que les dieux avaient dit « croissez, multipliez-vous ». Alors, ça croissait puis ça multipliait. Bon. Et puis, tout était basé sur la sexualité en général et sur l'alimentation, hein, les plaisirs physiques. Donc, la gastronomie barbare de l'époque, on retourne quelques millions d'années en arrière. Et à un moment donné, pour que l'humain se serve de ses énergies à un autre plan, il a fallu que l'humain commence à être inhibé au niveau du plan physique, sexuel ou au niveau du plan gustatif. Et c'est là que les religions vont commencer à venir manipuler l'humain. Et on va dire à l'humain, écoute, c'est pas rien que le sexe qu'il faut que tu fasses, puis c'est pas rien que ça. L'humain comprend pas l'idée, parce qu'à l'époque, l'humain n'est pas tellement réchauffé. Alors les dieux vont commencer, ou les mécaniques qui permettent à l'humain d'être régi dans son évolution, vont finir par lui dire que la sexualité, c'est péché, c'est pas bon. Et les plaisirs physiques sont dangereux. Que ce soit la masturbation, que ce soit les relations sexuelles hétéro-homosexuelles, que ce soit manger trop, etc. C'est pas correct. Alors, ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'humain va mettre ses énergies à un autre plan. Ce plan-là, on va faire des résumés, on va l'appeler, par exemple, la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lâche le sexe, puis fais la guerre, va conquérir, ramène-nous des choses. Fais de la science, invente, innove, fais de l'argent, lance-toi en affaires. Alors, nécessairement, tu auras moins le temps de faire la sexualité, mais progressivement aussi, il y aura des philosophies sociales qui vont te dire que c'est pas trop bon. On va commencer à cacher ça. Parce qu'il y a eu une époque où ce qu'on ne cachait pas ça. Après ça, on commence à cacher ça. Et là, on va commencer à posséder. On possède la matière. Alors, je possède ma femme, je possède le mari. Mais on possède. Fait que là, il ne faut pas que quelqu'un d'autre y touche. Et progressivement, on va inhiber la matière pour amener l'humain à un niveau de spiritualité. Alors maintenant, le sexe, c'est pas bon, puis les plaisirs physiques, c'est pas bon, mais la matière, c'est pas bon non plus. Matérialiste, là, c'est pas bon, ça, là. Fait que là, l'humain met ses énergies à la spiritualité. Et puis progressivement, l'humain est de plus en plus pogné, parce que l'humain il est rendu spirituel, mais son corps, il en a peur, comme c'est pas possible. Puis l'argent, alors l'humain, il faut qu'il soit pauvre, hein? Faut que l'humain soit bafoué, il faut que l'humain, il tende, il donne tout ce qu'il a. Faut que l'humain vive pauvre, puis qu'il ait été aux riches, une chance qu'il y ait des riches, bon. Et puis progressivement, l'humain est inhibé dans la spiritualité, et ça c'est dans les années actuelles, disons depuis 85 années dans le passé, aller jusqu'à maintenant. Pas dans toutes les populations planétaires, évidemment, où l'humain il commence à être inhibé spirituellement. L'humain a de la misère à rentrer dans une église. L'humain a de la misère à apprécier les témoins de Jéhovah quand ils viennent frapper à leur porte, ou les mormons, ou les Krishna quand ils viennent danser dans votre cour. Bon, l'humain est inhibé de tout ça. Et à un moment donné, on va dire à certaines personnes qui se conscientisent, on va dire, faites juste l'effort d'aller à la confession dans une église à un moment donné. Il y en a plusieurs que déjà là, ils seraient totalement inhibés. Même chose que je dirais à quelqu'un, écoute, mets-toi tout nu devant du monde, la personne ne pourra pas. Puis va te confesser dans une église, bien, il y en a plein qui ne pourront pas plus. C'est une inhibition. Et l'inhibition spirituelle te pousse au plan du mental. Puis le plan du mental, c'est un plan qui contient ses qualités, qui contient ses défauts. Mais le plan du mental, à un moment donné, l'humain va finir par être inhibé au niveau du plan du mental. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas beaucoup d'humains inhibés là-dessus. Et une fois inhibé au plan du mental, tu es poussé au plan supramental, qui est le savoir qui rend libre. Et au niveau du plan supramental, on va commencer à te redonner la liberté que tu avais avant, mais on ne te libérera pas, on va te désinhiber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas subitement être capable de rencontrer les gens qui mentalisent, mais toi, c'est par l'intelligence que tu es capable de les rencontrer, et non pas parce que tu vas avoir perdu ton intelligence. Tu vas être capable de rencontrer les gens qui vont à l'église ou les gens spirituels, mais par l'intelligence, par le savoir vibratoire, par la cognition vibratoire, tu vas être capable d'aller les rejoindre, mais tu ne seras pas un individu qui dépend de la spiritualité. Tu vas être capable d'aller jouer dans la matière, de faire de l'argent, de travailler par l'intelligence, mais tu ne seras pas une personne qui va être attachée et l'esclave de la matière. Tu vas être capable d'être libéré physiquement. C'est-à-dire d'être désinhibé physiquement, d'être libre physiquement, donc sexuellement, etc. Parce que c'est la même chose. Et par contre, tu ne seras pas l'individu qui va coucher avec n'importe qui va faire un paquet de choses. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est elle qui va chapeauter ta désinhibition. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire que quand tu arrives de ce bord d'un beau lac en plein milieu d'une forêt vierge, tu te déshabilles et tu te baignes. Quelqu'un passe par là, ben, tu sors de l'eau quand t'as fini. Tu dis bonjour. Tu t'es tout nu, c'est quand même pas de ta faute. C'est quand même pas de te baigner habillé au cas que Ticlin là-bas, qui est un pilleur de tombe, passe par là. Passe par là en même temps. C'est ça. Ah, ça te dérangera pas. Mais ce n'est pas une libération, c'est une désinhibition. Comment ça se perçoit au niveau du mental quand on commence à être pogné à ce niveau-là? Tu disais tantôt qu'on va se désinhiber du plan mental aussi. Oui, comment on va le voir? Quand on est inhibé mentalement ou quand on se désinhibe? Quand on est inhibé? Bon, quand on est inhibé spirituellement, c'est facile un peu. On commence à en avoir le bol des religieux, des religions. On rencontre une sœur, puis un père, un frère, un franciscain, vous n'avez pas de qui. De ce genre-là, un Krishna, un Mormon, et puis on trouve toujours que c'est un peu niaiseux ce qu'ils font. Ça, c'est l'inhibition spirituelle. Ce sera niaiseux. Alors, à un moment donné, on va expliquer à quelqu'un, écoute, on va se mettre une soutane, on va passer une semaine en soutane, on va aller faire notre épicerie en soutane. C'est juste pour voir si... L'humain ne peut plus faire ça, à un moment donné. Il y en a d'autres qui vont pouvoir. Ils vont trouver peut-être qu'ils souillent peut-être la soutane, ou etc. Mais celui qui est inhibé spirituellement, il n'a pas l'impression qu'il souille la soutane. Il a l'impression que la soutane le souille. Il ne peut pas mettre ça. Il trouve que c'est niaiseux. Il va avoir plein de raisons. Il est inhibé spirituellement. Et progressivement, il y a des livres. Bon, à un moment donné, il est inhibé spirituellement, mais il va voir un film où là, il achète le livre Jonathan Livingston, le goéland, puis il trouve ça bon. Mais c'est pas la même chose. Parce qu'il faut bien qu'il se défende. Mais à un moment donné, il va commencer à trouver ça quétaine aussi, les timonos qui évoluent, puis qui se parlent entre eux autres, puis qui se font sauver, puis qui sont... Ils vont commencer à trouver ça quétaine. Là, il se lance dans l'ésotérisme. Il disait des choses comme ça. Avec les grands maîtres. Avec les grands maîtres qui traversent les murs, puis qui font paraître de la glace dans de l'eau, puis etc. Alors, qui transforment le vin, l'eau en vin, puis qui multiplient les poissons. Le vin en pot de vin. Bon, le vin en pot de vin, c'est plus tard, ça. C'est plus tard. Et puis, la personne, elle va jouer là-dedans. Hein? Elle va aimer les ésotéristes à moustache. Elle va aimer des choses comme ça. Et progressivement, à un moment donné, la personne, elle finit par être inhibée là-dedans aussi. Parce que c'est de la spiritualité. Alors, elle va finir par se diriger vers la mentalisation. La mentalisation, il y a des personnes qui sont montées dans la mentalisation dans les dernières années. Ils ont goûté, ils en ont eu peur, ils ont souffert à cause de ça. Et puis là, ils sont libérés de la mentalisation. C'est-à-dire, ils sont revenus dans la spiritualité. Ça ressemble à quoi, la mentalisation, qu'on parle à la... La mentalisation, c'est un maudit problème, c'est absolument essentiel. C'est ce qui mène à la cognition vibratoire, donc au savoir qui rend libre. La mentalisation, c'est la capacité qu'on a avec notre parole de toujours être parfaitement logique et cohérent dans la parole, même quand on a tort. Ça veut dire quoi, la mentalisation? Ça veut dire que quand une personne est rendue dans la mentalisation et qu'il n'a pas encore suffisamment de conscience pour se rendre compte qu'il mentalise, mais cette personne-là, c'est une obstineuse et tu ne peux jamais avoir raison sur elle. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'elle a vraiment raison? Elle a totalement raison et elle a totalement tort. Elle approche du paradoxe qui fait partie de la transition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle, entre l'homme nouveau et l'homme ancien, femme nouveau, femme nouvelle, femme ancienne, etc. Et là, elle est dans la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, est-ce que c'est logique de tuer, par exemple, tu prends un enfant, puis quand l'enfant est rendu à 4-5 ans, tu fais passer un test de quotient intellectuel, puis s'il n'y a pas 120 à montant, tu le tues, tu l'élimines. Il ne servira à rien. Est-ce que c'est illogique? Ça va avoir une humanité qui va être convenable. Ouais, si tu le regardes au niveau seulement... Est-ce que c'est logique? Comme si c'était un animal. Logique, oui. Mais non, est-ce que c'est logique? Ouais, logique, oui. Mais si c'est logique... L'humain, non. L'humain, c'est pas de mentalisation. Est-ce que c'est logique? Oui. Et si on va avoir, bon, on a un enfant, puis il y a sa génétique, on prouve, on voit dans sa génétique, là, qu'il y a des probabilités de maladies cardiaques à partir de 40 ans. Ah, t'es, lui, tu le stérilises. Pourquoi? Parce que dans 2, 3, 4 générations, si tu as gardé juste l'élite biologique, tu vas éliminer de la surface de la planète toutes les maladies qui sont engendrées par les transmissions génétiques. Est-ce que c'est logique? Oui. Imaginez! Tous ceux qui ont des verres de contact ou des verres, si on aurait fait ça dans le passé, vous auriez des bons yeux aujourd'hui. Mais ça, vous ne seriez pas là. Bon. C'est pas votre corps qui serait là. Mais on comprend l'idée. Parce qu'avoir un enfant qui a des problèmes, c'est tellement plus fun d'en avoir un qui n'a pas de problème. Pour lui et pour nous autres. C'est logique. La mentalisation, elle va faire en sorte que tu vas trouver ça logique et tu vas décider d'appliquer ça. Puis c'est toujours logique de l'appliquer. Et là, moi, on m'a commencé à te dire, ben oui, mais c'est pas humain. Ah, mais c'est puis, ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'applique pas maintenant? OK, c'est pas ce que je pense. Moi, maintenant, je supramentalise. Donc, j'intelligencie. Je vais mentaliser. Essaye de me convaincre que c'est pas logique de tuer des enfants en haut de 4 ans qui n'ont pas 120 % de quotient intellectuel. Convainc-moi de ça. On parlait simplement des torts, des pathologies génétiques. Convainc-moi de ça. Ça va être difficile. Mais non, ben, je comprends. Je vais mentaliser. OK. Ça ne fera pas avancer. C'est quoi mentaliser? Si on n'a pas de maladie sur la planète, on ne pourra pas faire avancer la médecine. On n'a pas besoin de la médecine, niaiseux. Ça va être oui, un mentaliseur, ça. Oui. Vu qu'on ne sera pas malade. Non, mais un mentaliseur. Ouais. Ceux qui mentalisent, c'est souvent ceux qui deviennent les MTS, les martyrs de la transition supramentale. C'est souvent, quand on parle de MTS, de martyrs de la transition supramentale, évidemment, là, pas des maladies transmises de soir, là, je parle des MTS. Ceux qui arrivent à être MTS, c'est des personnes qui mentalisent. Et la mentalisation va faire en sorte, à un moment donné, que, écoute, ça ne vaut même pas la peine de vivre. Tu sais, tu travailles toute ta vie, puis finalement, tu meurs. C'est idiot, maudit, c'est épais. Alors autant mourir tout de suite. Ouais, mais là, je me réincarne, je recommence avec des couches. C'est aussi niaiseux, c'est épais. Tout est épais. Quand tu mentalises, là, il n'y a plus rien qui a de l'allure. Plus rien. Là, tu fais quoi? Tu fais rien. Puis même ça, tu es encore manipulé à rien faire. Ouais. Fait que là, je ne fais plus rien, cette manipulation. Fait que je ne fais pas. Tu es encore fourré. La mentalisation, c'est un gros problème. C'est un court-circuit. Convainc-moi que c'est pas correct de tuer ou d'éliminer ou de stériliser tous les enfants qui ont des torts génétiques. Ben, ouais. Logiquement, si tu mentalises, je ne suis jamais capable de te convaincre. Non, mais je sais, convainc-moi, je veux que les gens comprennent c'est quoi la mentalisation. Je sais bien que tu sais ce que c'est, mais fais comme si tu ne savais pas c'était quoi. Okay. Surtout, je sais comment tu vas répondre. C'est que je sais ça. Mais me fais des surprises. Bon, ben, tuer des enfants, d'abord, c'est inécologique. Mais non, c'est totalement écologique d'éliminer tous ceux qui sont mal bâtis. T'as une forêt, tu vas avoir des arbres droits. Tu gardes tous tes tout croches en espérant qu'en mettant un poteau là, puis une affaire là, puis une corde là, tu vas le mettre droit un jour. Mais non, couplé, balance dans le feu. Dans deux, trois générations d'arbres, tu vas avoir juste des arbres droits. Mais dans l'enfant, il n'y a pas juste le corps physique, il y a l'âme, non, il y a l'esprit. Il va se réincarner dans un bon corps après. Claire-moi ça tout de suite. L'esprit va sortir par lui quand même, s'il est malade. Quelqu'un peut être handicapé, ouais, l'esprit peut être très intelligent. L'esprit va sortir aussi d'un corps, va être en santé, puis en plus, il va nous coûter moins cher, socialement. Mais s'il y a moins de corps physique sur la planète, l'astral va s'incarner plus dans les mêmes individus, ça va être plus compliqué. Non, il n'y aura pas moins de corps physique. Fais-en des enfants. Mais les mines, ceux qui ne sont pas bons. Ben, si on n'est pas capable d'en faire des bons, on est mieux d'arrêter. Ben non. Non, tu vas être capable d'en faire des bons à la longue. Quand tu auras épuisé toutes tes génétiques pas correctes, à travers le hasard génétique, on va en trouver qui ont de l'allure. Oh, ouais. Ce qu'on va faire, pour t'aider humainement, mais là je mentalise moins, là je deviens diplomate, ça veut dire hypocrite. Là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre tes spermatozoïdes, on va analyser le code génétique dessus, puis tous les torts que t'as, là, on va prendre ça, puis on va donner ça à une femme qui n'a pas ces torts-là. OK? Et puis, ta femme, elle a des torts génétiques, ce qui fait que si c'est pas compatible avec toi, eh bien, elle va être mise à... On va la mettre enceinte avec des spermatozoïdes de quelqu'un d'autre qui, mélangé avec elle, va pouvoir gagner en caractère génétique. Fait que les enfants que ta femme va avoir ne seront pas les tiens, puis ne seront pas du même père. C'est pas grave, tu as des enfants pareils. Puis ceux que tu auras mis au monde, ben c'était des autres femmes ailleurs qui vont les avoir, mais au moins au niveau de la génétique, là, on vient de faire un pas de plus. Ça, c'est minimum. C'est déjà mieux, ça. Minimum. La mentalisation va faire en sorte qu'elle va exclure toute forme d'intuition, de sentiment. Parce que la mentalisation, là, c'est qu'on devient inhibé du point de vue spirituel. La spiritualité, c'est le summum des plans astraux, summum de la psychologie, summum de l'émotion. Alors, quand on mentalise, on rejette tout ce qui est émotif. Et quand on rejette tout ce qui est émotif, il ne reste plus rien pour aimer, il ne reste plus rien pour sentir. Sauf que quand on va de l'autre côté au niveau d'intelligence supramentale, on va aller rejoindre, à un moment donné, on a l'intelligence active, on va aller rejoindre l'amour actif, qui est l'amour instantané, qui est le plan bouddhique, comme l'intelligence instantanée, qui est le plan de l'Esprit Saint, qui est le plan supramental. Et là, quand on va rejoindre ces mécaniques-là, on est maintenant capable, même si on a un mental, puisqu'on va conserver un mental, d'ajuster totalement la mécanique de la mentalisation. Mais est-ce que celui qui mentalise comme ça, intuitivement, il n'y a pas quelque chose? Parce que même si on n'est pas capable de... Non, s'il est barré dans la mentalisation, il n'y a pas d'intuition. Okay. Il bannit l'intuition parce que l'intuition fait partie, selon lui, des facteurs émotifs. Parce qu'intuitivement, on ne le ferait pas, même si on n'est pas capable de donner les raisons logiques à quelqu'un qui mentalise. Adolf Hitler, c'est un grand mentaliseur. Puis la gang qui ont servi avec lui dans les hautes sociétés secrètes, c'était aussi des mentaliseurs. Alors, c'est tout à fait logique de prendre des Juifs, puis de les mettre, de faire rentrer par une porte, de les faire sortir par une cheminée. Pour eux autres, c'était tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'il fallait atténuer la puissance du peuple juif de façon à ce que l'intelligence supramentale ne descende pas dans le peuple juif, mais descende dans le peuple allemand. Sauf qu'il s'est ramassé dans le peuple américain à place. Et puis, c'était tout à fait correct. Oui, mais les enfants, on n'a rien à foutre des enfants. Puis en plus, il fallait traumatiser et terroriser le monde astral juif. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait rentrer les parents, on prenait les enfants, on les assommait, ils gigotaient un petit peu. Là, ils plaçaient d'un coup des faux crématoires, des grandes baies vitrées, puis les parents voyaient leurs enfants brûler. Puis après ça, on sortit ça complet, puis on mettait ça dans des grosses cruches, on mettait ça dans de l'eau, tu sais, puis après ça, on forçait les parents à boire ça. Juste pour créer de la souffrance majeure, on leur injectait du benzène, on leur coupait des morceaux pour rien, comme ça, on s'amusait. On a greffé des arbres après des humains, ouais, ça pousserait, on a greffé des humains après les arbres, ça va pas pousser. Et puis, on a fait des légumes, tu sais. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne, avec une partie, évidemment, des prêtres juifs, hein, ont travaillé énormément à créer de la souffrance. Mais c'est tellement mentalement logique, quand tu comprends les mécaniques d'évolution. Le rôle fondamental d'Adolf Hitler, d'ailleurs du prieuré de Sion qui l'a supporté, et de la franc-maçonnerie qui l'a supporté, et de ces mécaniques-là, c'est que, stratégiquement parlant, nous vivons des cycles d'âge d'or, d'âge d'argent, d'âge d'airain et d'âge de fer. Après ça, on change d'octave, on tombe dans l'âge d'or. L'âge d'or, c'est approximativement 13 800 années. Et on appelle ça le millénium aussi dans la Bible. On parle de 1000 ans, mais bon, c'est 13 800 quelques années. Et l'âge d'or, c'est un âge où l'humanité évolue, où l'humanité est totalement en contact avec son esprit, avec sa conscience, avec le savoir qui rend libre. Pendant 13 000 ans, et ce qui arrive, c'est qu'on arrive avant, normalement, avant d'arriver là, on doit vivre des initiations lunaires et solaires majeures. Ça, on va en parler au mois d'août. Et l'initiation lunaire, pour amener l'humain à l'initiation solaire, après ça, l'humain, il faut évidemment qu'il sorte de l'initiation solaire, sinon ça va passer 13 800 ans à être initié solairement. C'est intéressant. C'est dur pour les coups de soleil. Non, on a une bonne peau, on a une bonne peau. On va tout être des noirs, on a une bonne peau. Sauf que ce qui est important, on va être bleu, ça reste bleu. On va être pire. On va être étouffé. Mais ce qui est important de comprendre simplement, c'est qu'avant l'âge d'or, il y a l'âge de fer qui s'appelle le Kali Yuga. Le Kali Yuga, Kali, ça veut dire le mal. Et c'est l'âge la plus astralisée. C'est l'âge du mal. L'âge du mal, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'humain descend au niveau de sa cognition vibratoire, au niveau de sa vibration. Bien qu'il garde une certaine conscience, au niveau de ses capacités, de ses possibilités, puis de sa capacité de diriger les choses, l'humain descend dans ce qu'il y a de plus bas. Pour désillusionner l'humain face à toutes les formes et les mécanismes qu'il a créés dans sa psychologie, dans l'astral, dans le monde de la mort, dans les religions, dans la matière, dans la science, depuis qu'il est sa planète. Alors là, on est dans l'âge de fer, Bon, il faut le faire. Alors, c'est dans le Kali Yuga du Kali Yuga. Alors, les stratégies hitlériennes, franc-maçonniques, etc., sont une stratégie qui dit que plus on va précipiter rapidement à l'âge de fer, plus on va massacrer l'humain puis rendre le mal à sa planète, plus vite on va arriver à l'âge d'or. De ce fait, on va mettre de la drogue partout. Puis ça, le Vatican, il s'en occupe de mettre de la drogue partout avec la Murder and Fodder Italian Association, la mafia, qui sert à financer, à faire fructifier l'argent du Vatican. Ben même encore le dernier conflit du Golfe Persique, c'est encore l'Allemagne qui fournissait des armes pour faire tirer ses jeux. C'est évident, parce que l'Allemagne est extrêmement... En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas dire pour l'instant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que mentaliseur, ça devient totalement logique et absolument béni des dieux, ou de tout ce qu'on voudra, de mettre du mal partout sur la planète, donc d'exterminer premièrement les Gitans, hein, les Romanichels. Les Tziganes. Ça aussi, c'était un peuple qui devait être éliminé au complet. Bon, en Roumanie, c'est là qu'il y en avait le plus. Évidemment, l'Allemagne, quand ça s'est ramassé en Roumanie, en a exterminé un bon paquet de ceux-là. Et eux, c'était des Romanichels, donc des personnes qui se promenaient un peu partout. C'est plus dur à ramasser. Fallait les éliminer au complet, c'est des gens trop clairvoyants. Alors, ces clairvoyants-là communiquaient des stratégies, communiquaient des choses émotivement, puis ça leur a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a certains peuples qui auraient compris. Alors, ces peuples-là n'auraient jamais pu être assujettis au peuple allemand. Ensuite, il y avait donc les Juifs qu'il fallait éliminer. Il y avait nécessairement les Polonais, il y avait les Romains Michel, les Romains, les Roumains. Il fallait éliminer les Russes à trop mentaux. Puis c'était un mental en Union soviétique qui nuisait à l'apogée du mental de l'Allemagne. Et ce qu'Adolf Hitler voulait faire, finalement, c'était d'éliminer toutes les races sur la planète, en commençant par les plus puissantes au niveau des égrégores, donc le peuple juif. Éliminer toutes les races pour créer la race aryenne, la race des grands blonds aux yeux bleus. Mais les grands blonds aux yeux bleus, c'est le déguisement, le favori des intrus et des extraterrestres. Les grands blonds aux yeux bleus. Bon. Mais ça, c'est une chose qu'Adolf Hitler savait pas. C'était pas clair, mais il y avait une idée. Pourquoi? Ben c'est logique. On extermine toutes les races à la planète. On garde que les grands blonds aux yeux bleus. On ne parle pas de ceux qui sont teints et qui mettent des verres de contact bleus. OK? Pourquoi? Parce que ça, c'est les vestiges les plus purs de l'ancienne race sionite, sémitique, atlantéenne, celle qui va engendrer la première race, la race aryenne, la race indo-européenne blanche. Et eux, ce qu'ils voulaient, Adolf Hitler, ce qu'ils voulaient, le mentalisateur, vous comprenez l'idée, hein? On comprend tout ça si on mentalise un peu. On élimine toutes les races qui sont sur la planète. Même les tribus aborigènes d'Australie, puis les Pidgin Jara qui se trouvent aux Philippines, on claire tout le monde. On garde que la race d'élite, la race aryenne. Et puis elle va croître, se multiplier. On élimine évidemment les personnages qui n'ont pas d'allure, c'est la géniocratie au pouvoir, c'est-à-dire l'élitisme au niveau du quotient intellectuel, du mental. Et, tous les individus qui sont morts vont devoir se réincarner. Puis où? Dans le meilleur des peuples. Donc, on les aura tués. Imaginez. On va éliminer toutes les tares sur la planète, puis on va forcer les gens à se réincarner dans des corps physiques qui ont de l'allure, puis on va les éduquer. Mais lui, il était même pas... il fitait même pas là-dedans. C'était un demi-sang juif qui avait les cheveux noirs, puis qui était tout petit, puis qui avait juste une testicule. Il allait plus s'en prendre une et n'en s'arracher. Ouais. Chacun était dans son cœur. Quatre concentrations. Hein? Mais ça, c'était de la mentalisation qu'il faisait pour les autres, parce que c'était même pas pour lui, dans le sens. Non, mais c'était pour lui aussi. Parce qu'un mentalisateur, là, il est capable de tout faire au complet, puis quand il meurt, il se réincarne, aussi dans un corps qu'on aura ramassé, puis qu'on. Un Dalai Lama hitlérien, là, tu sais. Un Dalai Hitler, qu'on aura très tripoté génétiquement, puis qui devra le recevoir. Mentalement, n'est-ce pas génial? Le problème là-dedans, c'est que c'est absolument génial si on a les cheveux blonds et les yeux bleus. Puis t'es pas juif. Mais c'est un maudit problème si on n'a pas les cheveux blonds ou les yeux bleus, ou si on n'a pas de cheveux pour les yeux bleus. C'est la même affaire. Bon. Mais c'est un crime de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mentalisation ne prend jamais en considération l'humain. Et du point de vue d'un mentaliseur, t'as pas à prendre en considération l'humain. Tu sais, tu vas faire mieux dans pas grand temps. Ce qu'on ne comprend pas quand on mentalise, c'est ce que fait l'intelligence. Puis le savoir qui rend libre, c'est quand de la mentalisation, tu te branches à l'intelligence, à l'esthétisme. Alors ça veut dire que l'humain passe, tout le monde va passer par la mentalisation, mais tout le monde ne restera pas pris dans la mentalisation, dans le processus de mentalisation. Tout le monde ne vivra pas dans le carcan mentalisateur. Sauf qu'on va passer par la mentalisation à un moment donné. Ça va débrancher l'ajusteur de pensée du canal réincarnationnel. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir des informations comme Jean et moi. On commence à avoir des réponses à des questions. On commence à avoir des questions et des réponses en même temps. On commence à connaître des choses. On commence à savoir des choses. Et par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on doit se brancher au plan supramental, au plan de l'esthétisme et de l'intelligence. C'est une grande partie d'ailleurs du discours des conférences. C'est d'instruire suffisamment l'ego pour que quand il va aller toucher le plan mental, qu'il ne reste pas là, qu'il se branche ailleurs. Et là, ce qui va arriver, c'est ceci. C'est que c'est tout à fait mental, tout à fait logique d'éliminer toutes les torts génétiques sur la planète, même, disons, faisons comme Adolf Hitler, d'éliminer tout ce qui n'est pas correct sur la planète, de créer une race absolument parfaite au niveau de la génétique. Veux pas, les gens devront se réincarner là-dedans, ils n'auront pas le choix. Ça veut dire que quand vous allez venir au monde, vous n'aurez jamais besoin de lunettes ou de verres de contact. Vous n'aurez jamais de problème de génétique. Vous n'aurez jamais de problème de ce genre. Vous allez avoir des corps physiques qui vont être comme les percherons, qui vont nécessairement être bâtis physiquement. Vous allez aimer faire de l'entraînement physique. Vous allez avoir le corps fait pour ça. Vous allez vivre longtemps. Vous allez avoir un cerveau capable d'être extrêmement intellectuel, comme l'Allemagne l'était, puis comme d'autres peuples le sont aujourd'hui. Hein, l'informatique, vous allez comprendre tout de suite, puis note comme ça. Vous allez être capable de faire un paquet de choses dans le genre. Vous allez être facilement des médecins. Tu sais, c'est logique. On n'aura pas besoin, on ne sera pas malade. Non, non, mais je parle en collectionneur. Bon, hein, faut tout expliquer. Je dis, bon. Mais, qu'est-ce qui manque? Il manque simplement que dans l'astral, il n'y aura pas les mécaniques pour habiter les corps d'élite qu'on va créer. Ça ne se réincarnera pas dans l'astral. Ça ne pourra pas se réincarner dans le monde. Les corps, c'est le corps physique qui attire ce qui s'incarne dedans. Fait que moi, je n'irai pas dans un corps physique si je ne suis pas bâti pour aller dans un corps physique qui est génial. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas les mémoires pour travailler avec un cerveau génial. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que celui qui se connecte à l'intelligence supramentale va immédiatement se rendre compte que la stratégie tellurienne n'a aucun sens. C'est une stratégie basée sur la mémoire, sur la connaissance mémorielle, et non pas sur la connaissance vibratoire. Ça veut dire qu'un mort infirme, ou disons que des mémoires... A besoin d'un corps infirme pour revenir. Ça ne réincarnerait pas dans un corps en santé. Non. C'est-à-dire que ça va prendre des centaines d'années avant que les mémoires d'infirmité se désagrègent. Bon, mais pendant ce temps-là, on va faire des enfants, et l'enfant va venir au monde, là, puis c'est un zombie. Et on va l'envoyer dans les mines. D'ailleurs, Hitler a prévu un peu l'idée. Bon, de faire des clones pour faire en sorte qu'on va envoyer, par exemple, on prend un juif quelconque, hein, en parlant à la façon d'Hitler, puis on le clone. On en fait 300 000 400 000 copies, puis on envoie ça d'un champ de mine. Puis quand il meurt, il tout fout, tu sais, ça coûte pas cher de masque. Tu fais des clones, tu les envoies travailler là-dedans, puis ça ne dérange rien. C'est prévu dans leur stratégie. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la race d'élite, elle va finir aussi par mourir. Puis astralement et psychologiquement, l'élite de l'époque d'Adolf Hitler, même d'aujourd'hui, n'a pas d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ils sont bloqués dans le plan mental? Oui, c'est que l'humain, pour développer l'intelligence, doit aller dans l'écœurement de l'écœurement, dans la majorité des cas. Il y a des niveaux différents d'écœurement d'écœurement. Ça peut être quand tu n'as plus grand-chose, ça peut être quand tu n'as absolument plus rien, puis ça peut être quand tu dois tout à tout le monde. C'est les différents paliers d'écœurement d'écœurement. Mais l'humain ne peut pas devenir intelligent par la force. Il ne peut pas. Il faut que l'humain devienne intelligent en devenant son seul maître, en devenant autonome, en devenant individuel. Il faut qu'il comprenne les choses à un moment donné à partir de lui. Et c'est uniquement quand tu touches à l'intelligence supramentale que tu vas connaître la façon dont l'intelligence la façon qu'elle va utiliser pour descendre à l'intérieur des humains. Il faut que tu te touches toi-même en tant qu'esprit pour comprendre comment toi, en tant qu'esprit, tu es capable de, à un moment donné de te fusionner à un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental. Mais tant que tu es dans la mécanique mémorielle, tu fais que te dire, écoute, c'est rien que les génétiques qui décident ce qui se passe. C'est vrai, c'est la génétique qui décide qui se réincarne. Mais la génétique n'attirera pas l'intelligence. Mais ça, c'est pas compris, c'est pas prévu. Alors, l'individu qui mentalise reste court-circuité à un moment donné dans des stratégies qui n'ont aucun sens. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en sort de cette mentalisation? La conscientisation, ça veut dire l'instruction de l'ego. Ça peut être en écoutant Jonathan Livingston Nogoyla. Ça peut être en écoutant les conférences de Daniel Kim. Ça peut être en voyageant. Ça peut être en rencontrant d'autres personnes qui auront des choses à t'amener à un moment donné. C'est en instruisant ton ego. L'ego, quand il va toucher au plan mental, il ne s'assoira pas là-dedans en disant « ça y est, j'ai réussi. Ça y est, maintenant, je comprends tout. Tout n'est que de la merde. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien simple, tu redeviens très anachroniste, c'est-à-dire que tu as fait un vol, toi, là, en tout cas, plus de main, il ne volera plus de ce main-là, tout cas, réglé. Du mental, ça, là. Un deuxième vol, deuxième main, plus de main. Il ne faut ni pas de prothèse, c'est un voleur, réglé. Totalement réglé. Totalement réglé. Bon, tu as couché avec quelqu'un d'autre, tu ne coucheras plus que personne. Réglé. C'est de la mentalisation. Non, je l'ai juste volé. Mais c'est de la mentalisation. Bon, tu regardes pas aux bonnes places, pas de problème, t'es un voyeur, tu verras plus rien. Ramasse des bonnes mémoires, t'auras plus dur, on va te les crever. C'est très facile, c'est de la mentalisation. Mais ça a été appliqué dans le passé pendant longtemps. Est-ce que ça a réglé les problèmes sociaux? Jamais. La peine de mort, c'est la même chose. Ah, lui, là, c'est dangereux, on le claire. Mais oui, tu le claires, il va dans le monde de la mort, tu ne l'as pas éduqué, tu ne l'as pas réformé. Il se réincarne dans un corps faible à un moment donné pour commencer avec un autre soir. Mais le côté très spirituel, ce ne serait pas mieux non plus. Quelqu'un qui serait aussi abusif dans la spiritualisation que dans la mentalisation. Non, c'est dans l'intelligence qu'il faut se rendre. Dans la spiritualisation, ce qu'on va faire, c'est que tu vas espérer que le pauvre tueur, il ne sera plus tueur. Tu vas lui donner plein d'amour, tu vas lui donner des bijoux, puis quand il va te taper, tu vas te donner l'autre joue. Puis si tu n'as pas assez fort, tu l'aides un peu, tu le motives. Et puis, tu aides le voleur, puis à un moment donné, le voleur, il ramasse tout, il devient un exploiteur. Hein? Les personnes qui ont un cœur sur la main, vous savez ce que c'est? Hein? On a un grand, grand cœur. Oui, c'est ça, oui. On aura le bol à un moment donné, parce qu'on n'est pas dans une société, pour avoir un grand cœur. Parce que les gens vont nécessairement profiter de notre grand cœur. Le voleur, c'est un peu la même chose, puis dans la spiritualité, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité, à un moment donné, dans des monastères, entre autres, les sœurs, c'est les premières, c'était les femmes, qui ont compris à un moment donné que charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Puis c'était pas de l'égoïsme, c'était simplement de la logique. C'est, écoute, t'es un petit mendiant, je te donne un peu d'argent, puis là, je me rends compte que quand je vais à la banque, tu t'es dans un cube déposé toi aussi. Mais ils ont fait des sondages dernièrement. Il y a un journal qui a fait ça, ils ont pris des femmes, ils ont pris des hommes, ils ont habillé en mendiant, puis ils ont envoyé un peu partout dans la ville de Montréal. Le salaire horaire qu'ils autres ont fait, ça varie entre 32 et 75 $ de l'heure. Bon, s'ils parlaient anglais à Westmont, puis c'était une femme, ils allaient chercher dans les 70 $ de l'heure. En français, tu allais chercher dans les 30 $. Et puis quand t'es un homme, ça me fait plus compliqué. Ça veut dire qu'un mendiant qui se drogue pas, là, il a le métier. Et bon. Alors, par contre, les sœurs vont dire, à un moment donné... Est-ce qu'il payait de l'impôt? Non. Non, je l'attends, mendier. D'ailleurs, on a vu beaucoup de sénateurs mendier. C'est beaucoup trop, ça, là. Mais, dans tout le temps, fait pas d'impôts, c'est vrai. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que la spiritualité, lorsqu'elle commence à être mentalisée, va engendrer la haute spiritualité. La spiritualité qui a de l'allure. La spiritualité qui va faire en sorte que tu es capable de punir quelqu'un, parce qu'il faut que tu le punisses, plutôt que d'essayer encore avec l'amour, puis de l'aider, puis etc., puis à un moment donné, il te niaise tout le temps. Prenez un enfant teflon, tu sais, aimez-le bien gros, puis essayez bien gros que l'amour, là, de faire en sorte là, qu'il vous respecte. Puis vous allez coucher sur le balcon du moment qu'il va pouvoir. Bon, il faut passer à une autre étape. Alors, la spiritualité, c'est une chose qui est extrêmement importante, sauf qu'elle mène au plan mental. Le mental est aussi important, c'est dangereux. On doit être inhibé du mental, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit en avoir ras-le-bol de faire que de la légifération. C'est uniquement logique. Et là, l'individu va traverser à, au savoir qui rend libre, à la cognition vibratoire. C'est quoi la cognition vibratoire? Ça ressemble à quoi? Bon, la cognition, c'est un terme de connaissance, c'est un terme qui est plus rapide puis qui est un petit peu mieux au niveau de la vibration. Il y a la cognition mémorielle. Qu'est-ce que c'est? C'est on sait des choses, on connaît des choses uniquement parce qu'on les a en mémoire. Alors, on vient à une conférence, par exemple, on apprend des choses. On ne mémorise pas tout. Bon. C'est la cognition mémorielle, elle a un crime de problème, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de jouer avec le futur, avec le neuf, en fonction des trames du passé, avec le vieux. On veut expliquer le neuf avec le vieux. On veut travailler le futur avec le passé. C'est pas ça l'expérience. C'est la sagesse humaine. Mais la sagesse, c'est pas le savoir. Bon. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est que la personne devra passer à la cognition vibratoire. La cognition vibratoire, c'est pas la cognition mémorielle, c'est-à-dire que la personne, elle saura instantanément ce qu'elle a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'elle le sache. Cette conscience, c'est le contact supramental. Mais ce que vous devez comprendre dans la cognition vibratoire, c'est que tous les individus l'ont, sauf que la majorité ne s'en servent pas. Bon, dans, par exemple, au niveau des séminaristes, on parle souvent de monnayer son intelligence. À un moment donné, il faut que l'individu parvienne à être riche. Ça veut dire avoir du temps, avoir de l'argent. Nécessairement, ça va lui donner le temps d'avoir de la santé puis d'avoir des mécaniques qu'il faut pour continuer à son ascension. L'individu doit monnayer son intelligence. Monnayer son intelligence, ça veut dire être totalement en contact avec la cognition vibratoire, donc avec le savoir qui rend libre. Quand j'étais très, très jeune, dans d'autres vies, j'expliquais souvent aux gens qu'une spiritualité qui te sert à rien, te sert à rien. Les gens ne comprenaient pas trop. Là, à un moment donné, il y a une personne qui t'accrochait après un chariot, le chariot partait, elle se faisait arracher un bras. Là, je disais, la spiritualité qui ne te sert pas quand tu perds un bras, c'est une spiritualité qui est morte. Ça te sert. Mais l'intelligence, c'est la même chose. La conscientisation, puis l'évolution, puis l'ascension, là, quand ça ne te sert pas, là, ça sert à quoi? Ah, ça sert à dire, Dieu m'aime quand même si finalement j'ai plus rien. J'ai demandé de l'argent, j'ai tout perdu, Dieu m'a donné la leçon qu'il fallait, pas j'apprenne à être humble. C'est facile de... Mais ça aussi, c'est de la mentalisation. C'est l'ajusteur psychologique, c'est-à-dire que c'est de l'intellectualisation. Par l'ego, pour se réconforter des problèmes qu'il vit face à la conscientisation, tout ça. Pour que les voies de Dieu soient impénétrables. Ça, c'est pour pas se suicider. Il ferme les portes des voies de Dieu, il met la clé dedans, puis après ça, il bouffe la clé. Dieu n'a rien fait là-dedans. T'sais. Mais l'humain a décidé qu'il ne fallait pas aller fouiller là-dedans. L'humain n'était pas prêt. Alors, il faut comprendre qu'il y a des mécaniques comme ça qui vont faire en sorte que l'humain va souffrir. La cognition vibratoire, c'est... Tout le monde a accès à ça. Les gens ne s'en servent pas tous. Le savoir qui rend libre, c'est simple. C'est que... Moi, j'explique des choses. À travers tout ce que j'explique, on ne comprend pas tout. Mais moi, je ne comprends pas tout. C'est pour... À travers ce que j'explique, on ne comprend pas tout. Quand on comprend tout, c'est que mémoriellement ou expérientiellement, on avait déjà des informations. Et puis, de temps en temps, il y a des personnes qui ne comprennent pas si j'en parle pas, mais qui comprennent au fur et à mesure que j'en parle quand j'en parle. Bon, eux, télépathiquement, se branchent à un ajusteur de pensée que j'utilise. Puis, comme j'amène l'énergie, bien nécessairement, ils l'ont en même temps que moi. C'est sûr qu'ils l'ont peut-être 2-3 fractions de seconde en avant de moi, parce que moi, je le phraséologie, je le dis. C'est évident qu'au niveau de leur pensée, ils vont l'avoir un petit peu avant que l'oreille puisse le ramener. Créer l'écho de la compréhension. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le savoir qui rend libre, c'est uniquement la capacité d'absorber de l'énergie, et ce savoir-là, c'est un savoir énergétique. Et là, ça devient un peu compliqué de comprendre, d'en parler, c'est facile, de comprendre. Pourquoi? Parce que la personne, elle essaie toujours de comprendre ce que c'est que le savoir vibratoire en fonction du savoir mémoriel. Donc, elle fouille dans son passé, dans sa mémoire, pour essayer de savoir, c'est pas le savoir vibratoire. La cognition, savoir qui rend libre. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, là, vous savez une chose, vous le savez complètement, vous le savez totalement. Et vous ne le savez pas. Mais vous le savez. Mais vous le savez. Mais vous ne le savez pas. Mais vous le savez. On ne sait pas qu'on le sait ou on sait qu'on le sait. Tu sais que tu le sais, mais tu ne le sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Comme je dis souvent, là, si vous appliquez simplement l'instantanéité qui vous traverse, vous allez être totalement parfait et parfaite, c'est-à-dire que vous allez être suffisamment nouveau, nouvelle, des êtres, qui pour le commun des mortels ressembleront à des divinités dans quelques mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire ton épicerie ou tu rentres dans un restaurant ou tu veux manger quelque chose, là, puis si tu te fies exactement à ta cognition vibratoire, ton savoir qui rend libre, là, tu sais exactement ce qu'il faut que tu manges et ce qu'il faut que tu manges pas. T'es là, je prends un sac de chips, là, puis fin à regarder dedans, tu le sais tout de suite, qu'est-ce que t'as non. Tu le sais. T'as pas besoin de Daniel Kem ou 45$ de livres de recettes ou encore un paquet d'écritures sur ce qui est dedans. Comme disait un grand maître coréen, c'est mieux pour toi de manger l'emballage que de manger ce qui est dedans. Bon, c'est préférable. Quand tu lis les ingrédients qu'il y a dans l'affaire, c'est mieux de manger l'emballage, c'est mieux pour la santé. Le savoir instantané, la cognition vibratoire, elle nous amène l'information immédiatement et tous les humains qui sont le moindrement en phase de conscientisation y ont accès. Quelle différence il y a entre la cognition vibratoire et l'intuition? Est-ce que c'est pareil? Parce qu'on va dire, on va dire qu'on a choisi par intuition ou par impulsion. Non. L'impulsion, ça, c'est une manipulation un peu plus forte. Ça, c'est astral. Une impulsion, c'est provoqué par l'astral. Ben, par les événements. Puis une intuition, c'est provoqué par quoi ou c'est l'intuition, c'est totalement astral ou c'est le début du contact avec l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique intéressante qui procède de l'être réel, donc qui procède de ce que vous êtes vous en tant qu'esprit. Sauf qu'étant donné que pour savoir ce que vous êtes en tant qu'esprit, vous fouillez dans vos mémoires. Mais dans vos mémoires, il n'y a pas d'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est spontané, c'est de la vie. C'est un peu comme pour voir la réalité d'un paysage, vous regardez dans vos photos. Mais vous ne pourrez jamais comprendre la réalité du paysage. Ça, c'est en deux dimensions. C'est extrêmement limité au niveau du cadrage. Les couleurs, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a rien. Alors, vous dites, ça, c'est un vrai paysage. Ben c'est pas un vrai paysage. Pourquoi? Parce qu'on compare la réalité à notre mémoire. Pour décider si la réalité est réelle. Au lieu de comparer nos mémoires à la réalité pour savoir si nos mémoires sont correctes. Alors, la personne qui vit de cognition vibratoire, du savoir instantané, lorsqu'elle est capable de comprendre la mécanique, lorsqu'elle est capable de l'appliquer, elle est toujours dans un instant immédiat, j'appelle souvent cela de l'équilibre instable, elle est totalement dans un moment vivant où elle sait totalement tout, où elle sait tellement tout qu'elle n'a vraiment plus besoin de mémoire. Vous n'avez pas besoin de savoir que telle affaire est bonne ou telle affaire n'est pas bonne. Prenez-le. Puis observez les micro-réactions qui se passent dans tous vos corps. Vous allez immédiatement savoir que ce n'est pas ça du tout. Pas besoin de rien apprendre. Sauf que la personne doit s'entraîner, parce que présentement elle est mémorielle, donc elle doit entraîner l'ego, parce que lui, elle doit le programmer, c'est l'entraînement. Elle doit donc étudier, apprendre, comprendre, puis après s'appliquer, entraîner l'ego, à accepter la réaction, à accepter de suivre ce que la cognition vibratoire t'amène, donc de savoir qu'il est en libre. Dans un choix de soit de logement, de s'acheter une maison, un choix quoi, de travail. L'humain, c'est tout. On a cette information-là. Est-ce qu'on l'a toutes les fois, à toutes les décisions qu'on doit prendre, à toutes sauf les... Sauf que si tu arrives devant la maison, tu dis, ah, c'est celle-là! Tu l'as, la cognition vibratoire. Tu sais, c'est un décibel. Puis ton désir astral d'avoir la maison, là, c'est 75 décibels. Tu l'as. T'es là, je vais écouter ma cognition vibratoire. Voilà. Achète-la. Crac, l'achète. D'après ça, je me suis fait fourrer. T'sais, ça marche pas, ce que Daniel Kemp dit. Oui, ça fonctionne. Quand tu l'appliques. Mais comment ça fonctionne pas quand tu l'appliques pas. Comment tu perçois ça? Est-ce que c'est en l'exprimant verbalement ou c'est dans la tête? Non. Il faut que tu, premièrement, ça va arriver très clairement quand tu vas cesser de mentaliser. Donc, il faudra que tu sois inhibé au niveau du mental à un moment donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental devra t'avoir fait souffrir. Le mental devra te faire souffrir. Quand le mental t'aura fait souffrir, tu vas commencer à être inhibé par l'intelligence de la mentalisation. Puis si tu te libères, tu vas rétrograder au niveau de la spiritualité. Ça veut dire quoi? Tu prends l'eau qui est ici, là. C'est-tu bon pour la santé? Cette eau-là, pas vraiment. Bon, pas vraiment, ça, c'est une affaire astrale. Pas vraiment, pas vraiment. Bon, c'est plus. Mais ça va bien, pas vraiment. Oui, pas vraiment. Et ça va-tu bien ou pas vraiment? Bon, si c'est pas bon pour la santé, pourquoi c'est pas bon pour la santé? Parce qu'il y a du chlore, puis tout ça. Là, maintenant, c'est une cognition mémorielle. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que ça, on va boiter longtemps à travers la mécanique. Le savoir qui rend libre, il rend libre. Pourquoi c'est pas bon pour la santé? Ben, parce que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui est pas bon? Ben, puis ce qu'il y a dedans qui vient pas qu'à l'affaire. C'est pas bon. Il me semble que j'entends les molécules de bébelle taper sur le bord là, vite. Puis je vois des animalcules, des cadavres morts. Le chlore, là, ça tue comme il faut. Mais c'est parce que moi, je peux voir beaucoup plus que toi. Mais ça reste tout spontané. J'ai pas été voir dans mon livre savoir ce qu'il y avait dans cette affaire-là, ici-là. Puis là, après ça, il faut être très, très évolué et extrêmement maître contrôleur de soi pour en prendre une gorgée après tout qu'on a goûté. On mange, en plus. Il y a des affaires à moucher là-dedans. L'instant. Vous allez prendre une gorgée là, de... Mais là, on va me rester la bouche. Tu prends un peu de raid, là. Non, mais là, du raid. Mais vite, qu'elle a dans le raid. Ben, pas pire que qu'est-ce qu'elle a. Sans compter les particules atomiques du plastique, en tout cas. Bon, qui se dégagent, ça coûte de plastique, parce qu'il y a des affaires, en tout cas. Mais ce que je veux simplement que vous compreniez bien, c'est que vous avez tous accès à ça. La nuance entre vous et moi, entre toi et moi, c'est que moi, j'ai un centre laryngé extrêmement plus développé que la majorité des humains. OK? Pas avec une grande gueule, là. Je parle pas de la langue. Là. Il y en a qui ont des grandes gueules. Bon. Moi, je parle d'un centre laryngé. Centre laryngé développé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que la cognition vibratoire qui m'habite, je suis capable de la phraséologiser puis de faire un discours avec. Ça veut dire que si je te demande, toi, es-tu bon à boire ou pas, là, regarde, sens ce qui se passe chez toi, touche, sens immédiatement ce qui se passe chez toi, puis tu vas avoir une saveur de non. Je te demande, pourquoi c'est pas bon? Moi, je pourrais t'expliquer pourquoi c'est pas bon. Toi, c'est là que ça te branche ta cognition mémorielle pour m'expliquer, parce que tu n'as pas encore un centre de régie suffisamment sensible pour être capable de décoder immédiatement l'instantanéité, donc le savoir, la cognition vibratoire, pour maintenant amener du neuf par la parole. Sauf que si l'humain prend Daniel Kemp comme référence, puis il se dit, pour être évolué, il faut être capable de parler, et absolument pas. Ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est même pas nécessaire que vous puissiez expliquer votre démarche. D'ailleurs, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau n'expliquera plus rien. Il peut faire un discours. Il peut faire de l'enseignement. Il n'expliquera plus rien. Pourquoi? Parce que je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'est que des couleurs à un aveugle de naissance. Je peux pas. Je peux parler, parler. Je peux pas. Autrement dit, il faudrait à un moment donné que je commence à parler dans son langage. Là, je veux dire, le bleu, là, c'est comme du noir qui est pas noir. Mais là, lui, et mon évolution, elle est où, là-dedans? C'est pas ça du tout, là. Non, les couleurs, c'est quelque chose que je vois. Ah oui, mais pourquoi tu les vois, toi? Parce que moi, je les vois. Fini. Quand je parlais du racisme de l'initié, à un moment donné, c'est que vous savez des choses. Vous pouvez communiquer avec les gens qui sont susceptibles de savoir avec personne d'autre. Parce que sans ça, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps, donc votre vie, vous perdez plein de choses. Vous gagnez en frustration, puis après ça, vous commencez à condamner l'humain. Oui, bien épais, lui! On va faire un effort pour comprendre! Comment on peut faire un effort pour comprendre? Je comprends pas, là, puis je fais un effort. D'ailleurs, je comprends. Mais comment on peut faire un effort pour comprendre? Tu comprends ou tu comprends pas? C'est instantané, la compréhension. Quelque chose de neuf qui nous rentre dans la tête, c'est spontané. C'est instantané. Après ça, ça sera mémoriel. On peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te parle un jour, là, puis je te dis, faut pas que tu fasses ça. Puis il comprend rien. Mais moi, je suis raciste. Un raciste d'initié. J'arrête d'y parler. Elle me dit, non, Daniel, explique-moi. Non, Charles, je t'explique pas. Demain, on en reparlera peut-être, tu sais. Parce que demain, il va avoir changé. Le raciste de l'initié, c'est un raciste qui est instantané. C'est pas un raciste qui est mémoriel. Fait que deux jours après, on voit la même personne, puis on pose deux, trois questions, on parle un petit peu, puis là, on voit que là, on peut comprendre. Dans le sens là, il explique, on n'est pas raciste, là. Dans le sens inverse, tu peux y avoir parlé. OK, bon, continue à parler. Tu peux y avoir parlé la veille, puis le lendemain, il n'est plus correct. Évidemment. Ouais. OK, parce qu'il peut se réchauffer à ton contact. Là, que la cognition vibratoire, le savoir qui rend libre, tous les humains y ont accès, sauf que... Dans la stratégie du questionnaire des mécaniques intraterrestres, on a vu que toutes les structures astrales, tous les archétypes, puis toute la majorité des formes, des stéréotypes, sont là uniquement. C'est des bandes vidéo pour instruire des égos qui, dans un monde trop évolué, n'ont pas compris des choses et qui ont été placés dans une académie, dans une école qui est la Terre. Ils sont même pas en punition. Nous, on a décodé la punition, puis la chute, puis la déchéance quand on a commencé à se connecter à leurs affaires, à eux autres. Puis dans leurs affaires, eux autres, c'est essentiel qu'ils revoient ce qui s'est passé. C'est essentiel qu'ils fonctionnent avec la mémoire pour comprendre leur façon de procéder, elle est mémorielle. L'humain qui est sa même planète, qui baigne carrément dans la mémoire, a l'impression que pour arriver à se libérer, il faut qu'il apprenne des choses. Il ne faut pas apprendre des choses, il faut comprendre des choses. Puis comprendre des choses ne nécessite pas nécessairement d'apprendre des choses. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement de tout retenir ce que Daniel Kemp dit, ou ce que Krishnamurti a dit, ou ce que d'autres ont dit. C'est pas ça l'idée. Même pas ce qu'on a dit. Hey, ce que je viens de dire là, c'est génial. Ça, c'était spontané. Là, tu as un centre laryngique qui a exprimé de la génialité. Sauf que là, il faut que je retienne ça. Pourquoi? Tu ne pourras plus jamais en avoir des illuminations, des contacts avec la lumière. Tu ne pourras plus jamais en avoir. Mais oui, tu en avoir encore. Oublie-le. Force-toi de l'oublier. Qu'est-ce que j'avais dit? C'était bon. Lâche! Dis-en une autre nouveauté! Peut-être que ça va être la même. Peut-être que ça va être une autre nouveauté. Puis là, tu recommences pas bien. Mais faut que j'écrive un livre. Faut. Le temps qu'on répète ce qu'on a dit, finalement, on vit plus, là. Tu ne te sers pas. T'es tellement surpris de subitement d'être à la hauteur de ta situation que ça t'épate assez que t'arrives pas à le supporter. Comment là, faut que tu redescendes en bas, là, faut que tu mémorises. Hey, prends une photo de moi, je l'ai. T'sais, c'est un peu comme si t'arrives sur une corde raide, là, en courant. Ça y est, je l'ai, prends une photo! Bang! Trop tard, t'arrêtes de prendre la photo. C'est pas ça, l'humain. L'humain, c'est pas un exploit temporaire uniquement à cause que les forces gravitationnelles sont présentement ses alliés. Moi, vraiment, qu'il y a un petit coup de vent ou un petit coup d'ego, là, qui contacte le mauvais muscle, puis là, il décide qu'il descend en terre. Vous avez jamais fait l'expérience de marcher sur une petite ligne de peinture à terre? Marchez là-dessus, là. Allez, vous allez là. Puis mettez pas de pied à côté. Oh, c'est pas trop pire, ça marche. Maintenant, ça y est, sur une voie ferrée. 4 pouces de haut. Et c'est le plus compliqué. On s'en va, là, bien, là. Prenez la voie ferrée quand vous êtes bien bon, montez-la de 15 pieds de haut. Vous n'êtes plus capable du tout. C'est le même mot du morceau. C'est la même affaire. Plus capable. Oh, moi, je suis 150 pieds. Vous allez voir, il n'y a rien de différent. Absolument rien de différent. Le sol est toujours en bas. Il n'y a rien qui a changé. Puis là, l'ego là-dedans, il ne vit que mémoriellement parlant. Ça serait du neuf au complet. L'idée, c'est de mettre le pied sur la bord de métal. Le bel Canada, ils disent que la distance n'a pas d'importance, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, mais en 150 pieds, puis 50 pieds, pas grand. La distance n'a pas tellement d'importance. Puis 1500 pieds, puis... C'est à être aplati à 3 pouces, ou à 2 pouces, ou à 1 pouce, c'est pas... C'est aplati quand même. La cognition vibratoire, c'est quelque chose qui permet à l'humain, à n'importe quel humain qui est le moindrement inconscient des choses. Mais être conscient des choses, ça veut dire être conscient minimum qu'on est là. Hein? Être conscient qu'on est conscient. Savoir que l'on sait. Les personnes ont nécessairement une cognition vibratoire, donc ils ont un contact avec leur ajusteur de pensée, par leur ajusteur de pensée, l'intelligence supramentale qui est leur esprit. C'est pas moi, ça, là. Puis la liberté, quand tu as la cognition supramentale, ça se développe. C'est pas ça se développe, mais ça ne doit pas se développer, ça doit arriver spontanément. C'est que toutes les stratégies qui limitent l'humain sont des stratégies qui ne s'adressent pas à l'humain. Alors, quand l'humain, c'est un être spontané, l'humain, c'est un être instantané, l'humain, ce n'est pas un appareil photo. Bon, l'humain, c'est l'événement. C'est pas un appareil photo. L'humain, il se prend pour un appareil photo. L'humain réussit des exploits, après ça, il mémorise. Il dit, hey, j'étais bon hier, j'ai réussi, gars, j'ai gagné un trophée. L'humain, il se prend pour un appareil photo. Fait qu'il veut mettre plein de mémoire en dedans. Puis il aime ça, les miroirs. Et quand quelqu'un lui dit, hey, t'es beau, t'es belle, il aime ça, les miroirs. Là, il prend des photos de ça, il mémorise ça. Hey, j'étais beau hier, ou je suis beau maintenant. Il mémorise ça. C'est un appareil photo qui se met devant un miroir, puis il se prend en photo. Il s'appelle. C'est un appareil photo. Là, on se met deux, trois appareils photo pour prendre des groupes. Tu content. Faux autres groupes. Ben, c'est ça, ben, oui, il y a des photos d'appareils photo. Et puis il y a un flash là-dedans, on pense qu'on est lumineux, tu sais, c'est intéressant. Bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que pour ça, l'humain n'est pas un appareil photo. L'humain, c'est un événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je n'ai pas à me rappeler ce que j'ai fait dans le passé. Je n'ai pas à me rappeler de rien. Je n'ai rien à faire avec ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes présentement. Disons que présentement, là, on décide simplement, on vérifie l'état d'évolution ou de conscientisation des individus ici présents et ici présents. Juste le fait de dire ça, par exemple, là, je dirais, m'aller dans la salle, m'en rencontrer une personne ici, je vais poser une question. Vous allez voir, elle est tellement évoluée, elle est tellement conscientisée qu'elle va répondre immédiatement. Si elle se laisse centrer dans son intelligence. Là, immédiatement, l'ego commence à embarquer. L'ego, il se dit, ouais, mais là, t'es un peu, là, c'est la question qu'il me pose. D'un coup, je connais pas la réponse. Fini. Je vais vous donner un exemple. Je vais y poser une question. Là, faut que tu réponds spontanément. OK, pas en fuyant dans tes mémoires, dans tous tes livres, là. Combien qu'il y avait de moteurs, pour la navette spatiale? 8. T'as répondu ça comment? T'as fouillé ta mémoire? T'as vu une navette, t'as compté les... Aucune. Bon, t'as dit 8. T'as dit 8. 8. C'est pas la bonne réponse. C'est vrai, c'est pas la bonne réponse. Bon, je recommence. Il y en a deux. Non. Moi, je vais te l'essayer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, mais là, c'est une réponse spontanée, ça, là? Ben non, c'est un travail de Lego. Non, non, non. Le 8, c'est une réponse spontanée. Exactement. Elle est totalement fausse. Hmm. Une réponse spontanée. Méga règle. Bon. Maintenant, la vitesse pour quitter l'orbite terrestre, c'est quoi? La vitesse minimum pour fuir l'orbite terrestre, c'est quoi? En kilomètre heure? En kilomètre, en kilomètre. Arrondi au dixième de kilomètre. Ben, c'est quoi, une réponse? 148 514. 11,2 kilomètres seconde. Bon. Kilomètre heure? Oh, mais là... Vous avez calculé combien ça fait en kilomètre heure? J'ai long une seconde, j'ai long en maudit. À l'heure. Mais toutes ces réponses sont correctes. C'est ça que l'humain doit comprendre. Ces réponses sont correctes. Sont pas justes, sont corrects. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à foutre de savoir combien il y a de moteurs sur une navette spatiale. Tu sais, il y en a en avant pour permettre à la navette de tourner. Il y en a en haut, puis il y en a en bas pour qu'elle puisse descendre comme ça. Il y en a en arrière, tourner le cul un petit peu, tourner comme ça. Il y en a comme côté. Il y en a un maudit paquet. Du petit réacteur. Il y en a un maudit paquet. Mais il n'y en a rien à faire de savoir comment. Bon, la vitesse de fuite orbitale, il n'y a rien à savoir. Puis le problème, c'est que la journée qui aura couru assez vite sur une côte là, pour pouvoir quitter l'orbite terrestre, parce qu'il y a des développements qui courent après, ils vont être exactement à 11,3 km seconde. Il va de la misère à respirer rendu en haut. OK. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la journée que vous allez en avoir besoin, bien, vous allez le savoir. Sauf que présentement, il n'y en a pas besoin, puis il ne sait pas. Fait que qu'est-ce qu'il se dit, c'est qu'il imagine-toi la journée, il m'en aurait besoin. Qu'est-ce qu'il va faire? Cognition mémorielle. L'humain doit s'autoriser à dire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà dit souvent aux séminaristes que j'aurais jamais fait des conférences si je ne m'étais pas un jour autorisé à dire n'importe quoi. Quand on conduit une auto à une certaine vitesse... C'est vrai! Au début, là, je ne me serais pas autorisé à dire n'importe quoi. J'aurais jamais commencé à faire des conférences. Ça fait longtemps que tu as arrêté. Oui! Vous devez vous autoriser à dire n'importe quoi, puis je pourrais interviewer tout le monde ici là, sur des questions absolument stratégiques à pu finir. Puis plus on va se rapprocher des questions philosophiques, humaines, psychologiques, astrales, mentales ou supramentales, plus vous allez être juste. Puis, toutes vos réponses vont être correctes, mais plus vous allez être juste. Puis juste toujours en fonction de ce que vous êtes et du moment présent. Demain matin, là, allez pas voir ce que vous avez dit hier, savoir si c'est encore bon demain matin. Ça n'a rien à voir. Je demande à une personne, es-tu heureuse présentement? Elle fouille dans sa mémoire. Mais je suis dégagé de la... de oui. Une réponse parfaite. Et juste, en plus. Elle n'a pas les mots pour tout dire. On sait tout. L'humain, c'est tout. Mais l'humain reste assujetti toujours aux trames de mémoire. Vous êtes convaincu dans vos égos que si vous n'auriez pas de mémoire, vous seriez totalement inutilisable. On a toujours, c'est encore de mémoire, mais on a toujours été évalué comme ça. On nous faisait passer des examens à l'école pour voir si on avait retenu ce qu'on avait appris dans l'année. Ça a tout le temps été de même. Mais au niveau mémoriel, on n'a jamais eu d'examen qui était spontané, puis le professeur te demande... La majorité des inventeurs étaient des paresseux. La personne qui a inventé la première calculatrice, là, le boulier chinois, la boule, c'était un cancre en mathématiques. S'il aurait été un bon mémoriel en mathématiques, là, il aurait su tout de suite que ça fait tant, oui, donc. Là, on aurait dit quel génie. Non, le gars était pas capable. Le gars, il a trouvé spontanément, instantanément, le gars a travaillé, le gars a juste laissé faire sa tête, ça marchait tout seul. À un moment donné, le gars a commencé à agir avec ses mains. Moi, ça commence à te laringer. Le gars a commencé à faire une affaire, puis subitement, le gars a tout compris. Il a fait un boulier. Un chinois. Pourquoi chinois? Parce que les autres, ils comprenaient pas ce que c'était quoi son affaire, tu sais, bon. Mais c'était chinois pour tout le monde. C'est ça. Alors, c'était un boulier. Puis là, il a commencé à additionner. Puis on en a eu en Europe, on en a eu partout. Le gars qui a inventé un ordinateur, fallait tout que c'est paresseux. Imaginez, au Vatican, là, on n'a pas beaucoup d'ordinateurs. Parce que les moines aiment entendre le bruit du crayon qui glisse sur le papier. Quand ils écrivent. T'sais, moi, c'est tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac, moi, je suis paresseux. Puis là, à un moment donné, la personne qui est branchée sur l'intelligence dit, t'es pas paresseux, t'es intelligent. Ça donne du temps, ça facilite les choses, c'est mieux fait. Moi, j'écris extrêmement bien, moi, à l'ordinateur. Puis là, je peux me relire, aucun problème. Quand j'écris à main, je me demande c'est qui écrit. C'est bien compliqué. préfère signer. Ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que l'humain qui n'a pas de mémoire, oubliez vos mémoires, vous allez tout arranger la matière pour qu'elle nous serve, pour qu'elle vous serve. Facile. Je sais plus comment qu'on fait du pain. Brrr, je vais le faire le pain à la machine, c'est fini là. Mais là, l'humain vaut plus rien. L'humain, c'est pas une machine pour jardiner. L'humain, c'est pas un cheval pour traîner une charrue. L'humain, c'est pas un imbécile qui conduit pendant 25 heures de temps son camion pour transporter des pinottes à l'autre bout des États-Unis. Pas ça un humain. C'est autre chose que ça, l'humain. Si on aurait décidé à un moment donné, là, que c'est pas nécessaire qu'on se rappelle de notre route, que c'est pas nécessaire qu'on ait des habiletés dans la matière comme ça, on aurait fait des camions qui charrissent les pinottes tout seul. Ils auraient été cueillis tout seul, on aurait mangé. Après ça, on dit on veut se mettre en forme. On aurait été à faire, on aurait fait du sport. Pas après un volant. Cerveau direction. Ah, mais là, c'est à cause que les gens deviennent tapettes, puis capables de tourner un volant. C'est le cerveau qui dirige. Mais non, si t'en veux des bras, tu vas t'en faire des bras, puis quand tu conduis, tu volant. L'instantanéité de savoir qu'il est rendu, c'est ce qui t'amène. Je sais plus où je reste. Savoir un équipement matériel qui va t'amener où tu restes. Tu rentres dans ton char, c'est moi à maison. Il va te ramener à la maison, il sait où ce que c'est, lui. Lui, c'est de la matière. Lui, c'est de la mémoire. Pas toi. Vous avez des questions sur le sujet, sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les lire. Tantôt, petite pause.